Hello and welcome, bonjour, c'est La Croisière Folk dans vos oreilles, une émission qui a pour but de vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk. Je suis un petit peu le capitaine de ce navire, je m'appelle Eric Cooper et chaque semaine je débarque dans votre radio avec un bonheur immense parce que j'aime bien d'être là avec vous. Je sais que vous appréciez beaucoup cette émission, que vous faites plein de découvertes et moi ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Do not hesitate to visit our Facebook page, La Croisière Folk. Voilà, comme ça je m'adresse aussi à notre audience qui est tout à fait internationale. Et c'est vrai que lorsque on fait comme ça de la radio, que ça passe sur internet, on se dit que waouh, on a des gens qui nous écoutent d'Algérie, de France, du Québec, du Canada, de Russie, du côté de l'Afrique sûrement nous sommes écoutés. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Je rappelle, hein, lacroisierefolk@yahoo.com. On a une petite adresse que j'ai ouverte. Comme ça, ça nous permet de communiquer un petit peu. Vous pouvez soit envoyer un message via la page Facebook, donc La Croisière Folk, ou alors lacroisierefolk@yahoo.com. C'est notre adresse mail. C'est avec Émile Benoît et Festival Reel que nous avons démarré cette émission et on poursuit avec Pete Seeger et les Almanac Singers, Deliver the Goods, Bob Dylan, Pretty Peggy et puis Cécile Hercule, Charmant Garçon. Je me demande qui est ce charmant garçon. Est-ce que ce serait moi? Allez, à votre avis. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous allez comme pas vous tirer dessus? Mais tu sais faire que des conneries, ma parole, on t'avait dit de pas bouger. Nous en veux pas, on a des petits soucis. It's gonna take everybody to win this war. The butcher and the baker and the clerk in the store. The guys who sail the ships and the guys who run the trains. And the farmer raising wheat upon the Kansas plain. The butcher, the baker, the tinker and the tailor will all work behind the soldier and the sailor. We're working in the cities, we're working in the woods. And we'll all work together to deliver the goods. Now me and my boss, we never did agree. If a thing helped him, then it didn't help me. But when a burglar tries to bust into your house, you stop fighting with the landlord and throw him out. The butcher, the baker, the tinker and the tailor will all work behind the soldier and the sailor. We're working in the cities, we're working in the woods, and we'll all work together to deliver the goods. I got a new job and I'm working overtime, turning out tanks on the assembly line. Got to crank up the factories like the president said. Damn the torpedoes, full speed ahead. The butcher, the baker, the tinker and the tailor will all work behind the soldier and the sailor. We're working in the cities, we're working in the woods, and we'll all work together to deliver the goods. I bet this tank will look mighty fine, punching holes in Mr. Hitler's line. And if Adolf wakes up after the raid, he'll find every piece of shrapnel says USA. The butcher, the baker, the tinker and the tailor will all work behind the soldier and the sailor. We're working in the cities, we're working in the woods, and we'll all work together to deliver the goods. From New York City to Frisco Bay, we're speeding up production every day. And every time a wheel goes round, it carries Mr. Hitler to the burying ground. The butcher, the baker, the tinker and the tailor will all work behind the soldier and the sailor. We're working in the city, we're working in the woods, and we'll all work together to deliver the goods. The butcher, the baker, the tinker and the tailor will all work behind the soldier and the sailor. We're working in the cities, we're working in the woods, and we'll all work together to deliver the goods. I've been around this whole country, but I never yet found Fenario. Well, as we march down, as we march down, well, as we march down to Fenario, well, I kept him filling in love with a lady like a dove. Her name and its head was Pretty Peggy, oh. What will your mother say? What will your mother say, Pretty Peggy, oh? What will your mother say? Do you know you're going away? You coming back your. Come a running down your stairs, come a running down your stairs, pretty Peggy, oh. Come a running down your stairs, combing back your yellow hair. You're the prettiest darn girl ever seen, yo. The lieutenant, he is gone, the lieutenant, he is gone, the lieutenant, he is gone, pretty Peggy, oh, the lieutenant, he is gone, wrong, gone, he's riding down in Texas with the rodeo. Well, our captain, he is dead. Oh, our captain, he is dead. Our captain, he is dead. Pretty Peggy, oh. Well, our captain, he is dead. He died for a mate. He's buried somewheres in Louisiana, oh. Quand quand je pense à toi. Oh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai froid. Et tu me fais fondre comme un glaçon. Je ne t'aime plus, charmant garçon. Mais tu me fais fondre comme un glaçon. Charmant garçon. Cécile Hercule, Charmant garçon, c'est la chanson que nous venons d'écouter. Et tout de suite, on retrouve l'album de la semaine avec la séquence 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trois chansons qui vous permettent d'apprécier ou pas un album, c'est 1, 2, 3. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques jours. C'est Julos Bocarn. Et pour lui rendre hommage, eh bien, j'ai pris des chansons qu'il avait interprétées lors des festivals, de Buurtwaldeck qui ont eu lieu entre 64 et 69. C'est un coffret de 10 CD qui est sorti en 2008, dans lequel on retrouve d'ailleurs ses chansons. Et j'ai choisi trois de ses chansons pour illustrer donc cet hommage que je lui rends. C'est Julos Bocarn, hein, qui est né, il faut le savoir, à Écossine en juin 36. Il nous a quittés le 18 septembre. Il fut élève au Collège Saint-Vincent de Soigny. Alors, pour la petite histoire, au Collège Saint-Vincent de Soigny, le prof de gym, eh bien, c'était mon parrain. C'est lui qui m'a appris à nager. Je sais que vous n'en avez rien à faire, mais c'est pas grave. J'avais quand même envie de vous le dire. Entre 61 et 66, Julos Bocarn est comédien à Bruxelles, surtout au Rideau de Bruxelles et au Théâtre de l'Alliance. Il enregistrera son premier 45 tours en 64 et sortira son premier 33 tours en 67, un 33 tours intitulé « Julos chante Julos ». Alors, bien qu'on puisse qualifier ses œuvres de chansons à texte, leur aspect musical tient une place majeure. Deux albums, d'ailleurs, instrumentaux, regroupant certaines de ses mélodies, sont parus. Il refuse le vedettariat, et non pas le végétariat. Il crée sa propre maison d'édition de disques et de livres, hein, les éditions Louise Hélène France. Il échappe ainsi aux obligations des majors de la publication. Alors, il se définira comme un apôtre de l'écologie, comme un anarchiste. Anarchiste, hein, selon Julos Bocarn, cela veut dire proposer des pistes que les autres n'ont pas encore explorées et enfoncer des portes qui n'ont pas encore été ouvertes. C'est à la suite du meurtre de sa compagne Loulou par un déséquilibré à la Chandeleur le 2 février 1975 que son style devient encore plus profondément humaniste. Nombre de ses chansons et de ses textes se rapportent à cette séparance, comme il dira. Après le drame, il voyage en particulier au Québec et renforce ses liens avec des chanteurs francophones de la belle province. Et je voudrais, avant de vous passer des trois morceaux que j'ai choisis, trois citations peut-être de Julos. C'est la société qui est malade, dira-t-il d'ailleurs après l'assassinat de sa compagne. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Une autre citation plus amusante, celle-là. À force de péter trop haut, le cul prend la place du cerveau. Et puis une troisième qui est, on peut le dire, d'actualité, hein. Ton Christ est juif, ta pizza est italienne, ton café est brésilien, ta voiture est japonaise, ton écriture est latine, tes vacances sont turques, tes chiffres sont arabes et tu reproches à ton voisin d'être étranger. Allez, trois chansons donc qu'il a interprétées lors des festivals de Buurtwaldeck, hein, des festivals qui ont eu lieu en Allemagne. Donc je vous l'avais dit, entre 64 et 69, c'est il y a bien longtemps. On écoutera donc Julos Bocarn avec le chanteur mécanique, le cheval de Corbillard et les bourgeois. Listen to my radio. Mettre une thune dans le chanteur mécanique, vas-y Frédéric, au bistrot du coin. Le petit rond tourne, c'est vraiment très pratique, c'est beau l'électronique, et disons merci bien. Parfois c'est une bande de coyotes qui chante et crachote des sons qui rapportent. La machine grince et caote, y a rarement des gavottes. Mozart est à la porte.

des fumées, un chien lèche les cadavres de ces bons à rien, mais les survivants, dès le lendemain, prennent la relève. La chaîne est sans fin, dis-moi donc, passant, comprends-tu enfin la la la? Quand on est bourgeois, qu'on sait pas quoi faire, quand dans la petite tête, y a pas de lumière, on s'ennuie alors. On rêve de guerre, on manie le couteau, puis le revolver, on se met en troupeau. On marche, on est fier à 10 contre un seul. Les héros sont frères, la la la la. Hommage dans 1, 2, 3 aujourd'hui à ce poète qui nous a quittés il y a quelques jours. C'était Julius Bocarn avec des chansons extraites d'un coffret qui reprend les chansons qui ont été interprétées lors des festivals folk de Burgwaldeck. Ça se passe en Allemagne. Le coffret de 10 CD est sorti en 2008, et je vous avais choisi comme chanson le chanteur mécanique, le cheval de Corbillard et les bourgeois. Bien, on revient sur la planète folk, et vous le savez que régulièrement, je vous fais part un petit peu des podcasts que je produis. Vous pouvez les retrouver sur différentes plateformes. Vous tapez sur Google les interviews d'Eric Cooper, et on va vous parler d'Ophélie Calejaro. C'est une jeune auteure belge. Elle est diplômée en langue et littérature française et romane. Elle est prof de français et elle est aussi passionnée par l'univers de l'Antiquité et du fantastique. Elle prend autant de plaisir à écrire qu'à faire écrire. Son premier roman, Destiné, est publié dans une maison d'édition française qui s'appelle le Lys Bleu Édition. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur lysbleuedition.com et je vous propose d'écouter un extrait de l'interview d'Ophélie. J'espère pas, parce que sinon c'est glauque. Mais de faits réels, peut-être pas, plutôt des angoisses, ça oui. Voilà ce qui arrive à Elena dans l'histoire. Voilà, c'est peut-être plus l'exutoire qui parle. Et, voilà. Mais je suis beaucoup influencée par tout ce qui est horreur. Je regarde énormément de films d'horreur et j'avais envie en fait, de faire ma propre histoire d'horreur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les personnages, est-ce qu'ils sont inventés ou bien on pourrait les croiser en rue mais sans savoir que c'est eux ? Serran existe pour de vrai. C'est mon ancien prof de français. C'est Monsieur Marshall, oui. Oui, mais je lui avais d'ailleurs envoyé un mail pour lui expliquer que c'était lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. C'était mon prof de français. J'étais en français fort et il nous faisait écrire en fait toutes les semaines. On se mettait en carré dans la classe et il nous donnait un thème. Ou alors, ce que j'aimais beaucoup, il mettait sur la table en fait des objets improbables et il disait voilà, vous avez une demi-heure, une heure et vous me pondez une histoire sur cette base-là. Et c'est vraiment avec lui en fait que j'ai appris à écrire et du coup, je voulais lui rendre hommage en créant un personnage qui est lui en fait. Et qu'est-ce qu'il en a pensé justement de cet hommage ? Il était très flatté, mais depuis, j'ai plus de nouvelles, mais il était très très flatté, oui. En deux mots ou en trois, quelle histoire raconte votre roman Destiné ? Donc c'est l'histoire d'Elena qui vient de fêter ses 20 ans et du coup elle est sujette à des rêves étranges où elle voit un homme étrange qui lui promet une destinée hors du commun. Et en fait elle se rend compte que chaque fois qu'elle fait ce rêve-là, il y a un corps qui est découvert donc sur les terres de Benedicta Terra. Ça se passe dans un monde un peu à la Mad Max, il n'y a pas vraiment d'époque déterminée, tout est mélangé. Et à chaque fois, donc, sur chaque corps, il manque une partie. Et donc, le but, elle se rend compte qu'en fait, on essaye de reconstituer un corps. Elle sait qu'elle est mêlée à ça, mais pourquoi elle ne comprend pas. Et voilà, il y a des vampires, il y a des sorcières qui viennent se greffer là-dessus. Et voilà. Merci Ophélie Calejaro. Je rappelle donc le titre de votre premier livre, c'est Destiné, publié chez Le Lys Bleu Édition. Si vous voulez entendre l'interview complète, eh bien vous allez sur les interviews d'Eric Cooper. Nous sommes sur Mixcloud, sur Spotify, sur Soundcloud, c'est sur plein d'autres plateformes. Vous tapez sur Google les interviews d'Eric Cooper et vous tomberez sur l'une des plateformes qui la diffuse. Et c'est donc l'interview d'Ophélie Calejaro. N'hésitez pas bien sûr à acquérir son livre. Allez, tout de suite, Lonesome River Band avec Almost Home, extrait de leur tout nouvel album qui s'appelle Singing Up There, A Tribute to the Easter Brother. Alors, le Lonesome River Band a été créé en 82. C'est l'un des groupes bluegrass les plus respectés et appréciés

L'archet glissait sur le pont du violon, poussière de ciel, tout étoilé. La nuit est belle pour se bercer au son d'une vieille chanson qui te rendait heureux sur ton violon. Au creux de la vague, je garde la tête hors de l'eau. Au bord de la mer, il y a quelqu'un qui m'attend tendrement. Frap-té-la-dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, dum-da-dum-daï. Y'a du poisson dans la saline, la boucannerie est bien remplie. La petite odeur dans la cuisine, c'est le homard qui s'en vient presque cuit. Retour de pêche au cœur des îles, tous les bateaux sont au repos. Pour les journées qui nous fatiguent, il y en a d'autres qui sont des cadeaux. Auprès, je navigue. Auprès, je m'approche de toi. Les courants rapides auraient pu nous faire passer tout droit. Frap-té-la-dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, dum-da-dum-daï, dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, dum-da-dum-daï, dum-da-dum-daï. Au gré du vent qui nous amène à traverser vents et marées, on prend le temps, on prend la peine de s'arrêter quand on est fatigué, bien à côté sur la well house, à contempler la voie lactée, les pieds sur le pont du bateau, l'archet glissait sur le pont du violon. Frap-té-la-dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, dum-da-dum-daï, dum-da-dum-daï. Frap-té-la-dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, frap-té-la-dum-da-dum-daï, dum-da-dum-daï, dum-da-dum-daï. Pourquoi en Belgique on aime bien les vieux murs, les murs de briques, les vieux murs? Vous savez pourquoi? Parce qu'on aime bien l'ancien. C'est surtout parce que les murs s'effritent. C'est bien, hein? Ça s'effrite! Thank you. Bird à l'instant avec la queue de l'hirondelle dans la croisière folk. J'espère que vous allez bien. Je salue tous les Québécois qui nous écoutent. Tiens, voilà. Donc, je rappelle, on a une adresse mail, lacroisièrefolk@yahoo.com. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me demander un disque, pourquoi pas. Ou alors, peut-être, pour m'envoyer votre disque si vous êtes artiste folk. Je vais vous donner quelques faits psychologiques incroyables. Comme ça, quand vous serez en break à la machine à café ou même que vous discutez au téléphone avec des amis ou que vous avez envie d'envoyer des SMS intéressants, eh bien, vous pourrez dire que c'est un petit peu moi qui vous ai inspiré. Le saviez-vous ? Les personnes qui donnent les meilleurs conseils en termes de relations amoureuses sont généralement les personnes qui sont seules. Eh oui. Alors, si une personne vous fait une faveur, il y a tendance à ce qu'elle vous apprécie plus. Comme ça, vous le savez. Donc, si vous recevez des faveurs de quelqu'un. Le secret d'une bonne nuit de sommeil, c'est de convaincre votre cerveau que vous avez bien dormi. Alors, il ne vous reste plus qu'à trouver comment convaincre votre cerveau. Si vous ne bougez pas pendant 15 minutes, vous finirez par vous endormir. Sachez-le, hein. Donc, soyez toujours... Alors, pour vous endormir, clignez rapidement des yeux et laissez-les ouverts dans le noir. Vous finirez par vous endormir. Les personnes qui préfèrent les places côté fenêtre dans les transports en commun ont tendance à aimer à être seules durant le voyage. Ouais, enfin, moi j'aime bien d'être près de la fenêtre, comme ça je vois quand même le paysage. Le fait d'épouser votre meilleur ami élimine le risque de divorce de 95%. Ce mariage aura tendance à durer toute une vie. Le cerveau associe le sourire au bonheur. Si on se force à sourire, le cerveau va considérer que nous sommes heureux et il va sécréter de la dopamine et de la sérotonine. On peut distinguer un sourire à une distance de plus de 90 mètres et les gens ont davantage tendance à rendre un porte-monnaie s'il y a une photo d'un bébé ou un enfant dedans. Et puis, votre esprit peut sentir si quelqu'un vous regarde même si vous êtes en train de dormir. Quant à votre mémoire, elle fonctionne mieux entre 8h du matin et minuit. Cependant, après le repas du soir, c'est le pire moment. Et puis les gens intelligents évitent les conflits, ce qui explique pourquoi certaines personnes remarquent tout mais ne disent rien. Et si une personne dort beaucoup, alors cette personne est triste ou très fatiguée, mais ça ne dure jamais trop longtemps. Et puis, avoir une conversation avec une femme augmente la force physique d'un homme. Donc, discuter avec une femme avant, par exemple, de déménager. Vous aurez plein de boîtes à porter et vous serez très fort. Amber Rubarth nous invite à New York, Radicanto. C'est un extrait de leur album. C'est un groupe de folk italien. Cantilena, extrait de La Corsa de 2005. Et puis, Mes aïeux. Avec Remède Miracle. C'est un extrait de Ça parle au diable, leur album sorti en 2000. Alors, bien qu'ils soient édictés comme les meneurs du mouvement néo-trad, contraction, de nouvelles musiques traditionnelles, ils utilisent en fait des sujets, des personnages traditionnels du folklore québécois afin d'évoquer et d'aborder avec humour des thèmes modernes comme la mondialisation, la politique, etc. On les compare parfois au groupe Beau Dommage, un groupe québécois de la fin des années 70. Donc, Mes aïeux, Remède Miracle, mais tout de suite, Amber Rubarth nous invite à New York. I've been living in New York for 7 years, now I'm not. Winter's cold and long, summer's hot. Spending all my days just keeping what I got. Trying to write the words to a song. Everybody else is getting on. Everybody else. Stars in the sky, so I sat up at the top of the tree. And

revenant dessus le docteur Braché. M'en revenant dessus le docteur Braché. Avec ma liste de maladies d'âme, et j'ai rencontré mon ami Jean Couture. J'ai rencontré mon ami Jean Couture. Il m'a dit, viens faire un tour dans mon beau magasin. Youhou! Et tout le monde, oh yeah! Du Robax à 7 pour mon mal de dos. Du Robax à 7 pour mon mal de dos. Du rapide, tu sais, pour mon rhume de cerveau. Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule. Du rabis, tu sais, pour mon rhume de cerveau. Du rabis, tu sais, pour mon rhume de cerveau. De l'antiflogestine pour mon lumbago. Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston. Pour mon lumbago. Un peu de ginseng pour ma libido. Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston. Pour ma libido. Et puis du ginseng pour ma libido. Puis du Viagra pour me remonter le moineau. Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston. Pour m'amonter le moineau. De la nicorette parce que je fume ben trop. Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston. Parce que je fume ben trop. De la nicorette parce que je fume ben trop. Avec tout ça dans le corps. Avec tout ça dans le corps. Je mourrai pas si tôt. Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton. Okay. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton. Ça y est, c'est fini. Les Rat Swamp, à l'instant, remède miracle. Et malheureusement, vous l'avez reconnu au petit jingle, il est temps de se dire au revoir. Une heure, ça passe vite hein, quand même, mais ça demande une grande préparation. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, il faut 2 à 3 heures, hein, la préparation, le montage. Ah, mais qu'est-ce qu'on est heureux après quand l'émission est finie et qu'on sait que vous allez l'écouter et l'apprécier. Je rappelle, si vous avez envie de nous écrire, if you want to write to us, don't hesitate, we have an email address. On a une adresse email, donc c'est lacroisierefolk@yahoo.com. On a une page Facebook, we have a Facebook page, La Croisière Folk, donc n'hésitez pas bien sûr à les utiliser, à poster, nous envoyer des photos si vous avez envie. Et on se quitte avec les Rat Swamp, medley du violonneux, extrait de leur album Vivre en ville 2018. Alors les Rat Swamp sont de fiers Canadiens français rassemblés dans le but d'initier les gens au son du violon traditionnel, aux chansons à répondre et à la musique de jadis. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Que la force soit avec vous et puis passez une excellente journée, une excellente semaine à l'écoute de votre radio. I'll be back. On te sent même vachement descendre. Hein.